Chapitre 23e, les boulettes de sommeil. C'est pendant cette dramatique comédie, peut-on appeler autrement ces deux scènes, se déroulait au Ravenel que là-bas dans le bungalow blanc qui avait abrité jusqu'alors tant de bonheur, tout à coup s'abattit le plus effroyable malheur. Miss Seddon, nous le savons, avait l'habitude de porter elle-même tous les matins le chocolat qui formait, à la mode française, le petit déjeuner de Darling. Comme toujours, la porte de la chambre de Darling était fermée, la grande croisée ouverte, mais les persiennes étaient closes pour empêcher le jour de réveiller trop tôt l'enfant. C'était, comme dans les maisons américaines, une sorte de cloison en bois léger qui ne s'ouvrait pas verticalement comme les persiennes françaises, mais se levait ou s'abaissait à la guillotine comme dans les immeubles anglais. Miss Seddon posa donc la tasse de chocolat et les toasts beurrés sur une petite table près du lit de Darling et alla à la fenêtre. Le crochet qui retenait les persiennes était encore en place. Elle le tira et leva complètement la persienne dégagée. À ce moment, elle attendait comme toujours le good morning de Darling, qui, au premier rayon du jour courant, sur son lit s'éveillait. « Good morning, Darling !» fit Miss Seddon. Elle ne reçut aucune réponse. Étonnée de voir sa fille encore si profondément endormie, au point de ne l'avoir point sentie venir, ni elle, ni le chocolat, Miss Seddon s'approcha du lit de l'enfant. Le lit, comme nous l'avons dit, le lit était vide. À ses cris de désespoir, Paulin Broquet accourut. Il ne put que partager l'angoisse, la douleur de sa femme. Mais il devina, Miss Seddon également, qui avait dû commettre cette suprême infamie. Aussitôt dans la pièce, il commença son enquête. Rien, absolument rien, ne lui révélait la moindre trace des ravisseurs. Il ne trouva pas le plus petit indice. La porte était fermée quand Miss Seddon entra, la persienne retenue par un crochet de sûreté. Il n'avait ni lui, qui éveillait tard à son habitude, ni Miss Seddon au sommeil léger, perçu le moindre bruit dans la maison. Cependant, on n'enlève pas une fillette comme Darling sans quelque difficulté. La chambre de Darling se trouvait près de celle de sa mère. Elle s'ouvrait sur un couloir où donnait aussi celle de Paulin Broquet. Le couloir aboutissait à un large escalier de bois qui conduisait dans le grand hall formant salon. Or, dans ce hall, Miss Seddon et Paulin Broquet avaient passé une partie de la nuit à lire les journaux, les magazines. Puis, quand Miss Seddon monta se coucher, Paulin Broquet resta encore avec quelques lettres à écrire et un cigare à finir. Avant de se coucher, Paulin Broquet fit le tour de la maison, vérifia la fermeture des portes, des fenêtres, et ne monta chez lui que parfaitement rassuré. Dans le jardin, personne ne pouvait se cacher. Ayamaki avait avec Pagnose fait une ronde. Pagnose avait en outre un chien caraïbe, produit d'un loup des prairies et d'une chienne de cow-boy, d'un flair merveilleux, d'une ouïe extrêmement fine et d'une vigilance jamais en défaut. Le chien Pip couchait dans l'écurie. La porte de l'écurie gardait une ouverture par laquelle Pip pouvait à la moindre alerte aller voir ce qui se passait, donner l'alarme ou régler son compte à l'homme assez imprudent pour oser pénétrer dans le bungalow sans être accompagné par quelqu'un de la maison. Ce Pip était doué d'une mâchoire de fer, de muscles terribles, d'une force et d'une souplesse dont Pagnose attirait vanité. Pip pouvait d'un bond sauter par-dessus la tête de son maître, même celui-ci coiffé du grand chapeau de feutre. Pip devançait un cheval au galop et savait s'accrocher à la jambe d'un bronco fugitif, le maintenir. Quant à arrêter un taureau, c'était un amusement pour lui. Mais avec toutes ses qualités, Pip avait un défaut. Il était non pas voleur, car il ne prenait jamais rien qui appartenait à son maître ou à ses amis, mais il cueillait parfois chez d'autres quelque objet, comestible généralement, lui paraissant traîné ou être abandonné, surtout mal surveillé. Et il l'emportait en courant pour aller l'enfouir dans un coin, dans le jardin du bungalow ou dans d'autres endroits de lui connus. Cette manie mettait Pagnose en fureur. Elle attirait quelques coups de fouet à Pip, qui dans son langage hurlant promettait de ne pas recommencer pour céder peu après à la tentation. Seulement, il prenait plus de précautions cette fois. Jamais il n'était si heureux, si affectueux que quand il avait enfoui quelque chose sans que son maître en eût le soupçon. Pip, naturellement, était un grand ami de Darling. Il partageait ses jeux, comme elle l'aidait à faire des trous au bout du jardin, pour enterrer à eux deux un gros os chippé à la cuisine. Il commençait même à se plier au dressage et Darling ne désespérait pas de le voir devenir un parfait chien de selle pour ses sous, sa poupée japonaise vivante. Or, cette nuit-là, Pip n'avait pas donné l'alarme. Pagnos n'y comprenait rien. Ayamaki, lui, seconda aussitôt pour la broquer dans ses recherches. Il dit à son maître un seul mot sur la poignante affaire, « lui ». Et du doigt, il indiquait son mollet où se trouvait imprimé au feu la terrible signature, le Z. Mais alors tous deux eurent la même épouvantable pensée, les murènes. Paul Labroquet posa fortement la main sur l'épaule du japonais. « Tais-toi, ne dis rien. Que la mère ne soupçonne pas cela. Non, non. Si criminel que soit son âme, cet homme n'ira pas jusqu'à jeter dans cet atroce couloir de l'oubli ma fillette darling. » Entre Paul Labroquet et Ayamaki, il avait été convenu, en effet, qu'on ne parlerait jamais des murènes au bungalow pour ne pas effrayer Miss Eden ou la branche de glycine Sourou. « Non, non, » répéta Paul Labroquet, « non. Ils n'ont pas jeté darling aux murènes. » Le japonais inclina seulement la tête sans trouver un mot pour affermir le faible espoir de Paul Labroquet. Cependant, il ne sert à rien de se désoler. Mieux vaut se hâter de courir au danger, de voler au sauvetage. Immédiatement, Paul Labroquet et Miss Eden, aussi vaillantes et énergiques que belles, se mirent en campagne. Ayamaki et Pagnos les secondaient. On allait à la Chinatown. Pagnos demanda à son maître la permission d'emmener son chien caraïbe. « Je n'ai pas grande confiance dans les chiens, » dit Paul Labroquet. « Ils sont si facilement mis en défaut. Il y a trop de moyens de tromper leur vigilance. Vous en avez la preuve, puisque cette nuit, pendant l'enlèvement de Darling, votre chien Pip n'a rien senti, n'a rien entendu, ne nous a pas donné l'alarme. » Pagnos cependant insista. « Je ne sais pourquoi Pip n'a rien dit. Je n'y comprends rien. Il doit y avoir là-dessous une machination de Chinois. »« Certainement, » appuya Ayamaki. « Les Chinois savent rendre les chiens muets. Je veux que Pip prenne sa revanche. »« Bon, alors emmenez votre Pip, » dit Paul Labroquet, sans grande espérance, « pourvu qu'il ne nous gêne pas. C'est tout ce que je lui demande. » Ayamaki dit encore à Paul Labroquet, « oui, nous pouvons emmener le chien. Il se peut même qu'il nous soit très utile. Comment cela ?»« Je vous ai dit, maître, que les Chinois avaient des secrets pour rendre muets les chiens de garde dans les maisons où ils vont voler, faire quelques mauvais coups. » Oui, alors, ce qui est un avantage pour eux, sur le moment, devient plus tard très dangereux. Pourquoi ? Vous allez comprendre. Je vous révèle là un secret qui n'en est plus un depuis longtemps dans ce pays, mais que vous, Européens, peut-être vous ignorez. Les Chinois, quand ils ont décidé de voler dans une maison où il y a des chiens, commencent, dans la journée, par s'assurer la complicité forcée des animaux, de tous les animaux, en leur jetant un soporifique. Les chiens au moyen de boulettes de viande, les poules avec du grain mis dans de l'alcool, les canards avec des verres remplis de stupéfiants. Les poules, surtout les canards, sont les meilleurs gardiens. Ils donnent vraiment et toujours l'alarme au moindre mouvement insolite. Mais quand les animaux ont goulûment avalé les drogues dans la journée, pendant la nuit, les voleurs peuvent opérer à leur aise. « Vous croyez qu'ils ont opéré ainsi chez nous ?» demanda Paul Labroquet à Ayamaki. « J'en suis absolument certain. » Sans cela, le chien aurait tout au moins grogné. Pip alors était dopé, absolument. Pourquoi dopé seulement et pas empoisonné tout à fait? Ce serait une faute de la part des malfaiteurs, parce que s'il tuait la basse-cour ou le chien, il ne serait plus maître d'opérer au bon moment. Je comprends. Parce que s'ils ne peuvent, pour une raison quelconque, opérer le soir arrêté, ils se trouveraient le lendemain, ou quelques jours plus tard, quand ils croiraient le moment favorable, en face de nouveaux animaux frais et vigilants, d'un autre chien qui, lui, aboierait comme un perdu. C'est cela. » Le japonais ajouta. « Je vous dirai, maître, que ce stratagème devenait ensuite fatal aux malfaiteurs. De quelle façon ? Ne prenons que le chien. Le chien est plus intelligent qu'on ne le pense généralement. Le chien a son amour-propre de gardien. Quand il a cédé à la gourmandise et avalé ce que des inconnus lui ont jeté, quand il comprend qu'il a été fautif, coupable, le chien tient à honneur de réparer le mal qu'il a commis. « Très bien, » appuya Pagnos, « Pip est de cette nature. »« Et le chien se venge, » pria Ayamaki. « Il se venge de ceux qui l'ont déshonoré. Le chien reconnaît l'odeur de ceux qui lui ont donné la viande préparée et il leur saute dessus avec rage. »« N'est-ce pas un peu fantastique ce que vous me racontez là ?» dit Paul Labroquet, quand même très sceptique. « Avec des bichons ou des toutous de luxe, des animaux d'appartement, abattardis, dégénérés, je ne dis pas non. » Mais je réponds des chiens du genre de Pip, si près encore de l'état sauvage, Pip nous sera d'un grand secours. » Ayamaki plaida si bien la cause de Pip qu'il fut décidé que Pagnos emmenait le chien. Pour commencer la campagne, Pagnose demanda à Miss Eden de mener le chien dans la chambre de Darling et de le laisser flairer tout dans la chambre, lit, meubles, tenture, les effets de la fillette, pour qu'il comprît bien ce qu'on lui demandait. On conduit donc Pip dans la chambre de Darling et on le laissa libre d'aller et venir. On se contenta de suivre ses évolutions. Après avoir flairé un peu partout dans la chambre, être venu plusieurs fois au petit lit, tout à coup, Pip, agitant plus fortement sa queue, faisant entendre un petit grognement, sembla prendre une décision et partit en courant. Pagnose et Ayamaki se précipitèrent sur ses traces. « Ne nous leurrons pas, hélas, ma chère amie, » dit Paulin Broca à Miss Eden. « Je ne crois pas que Pip, malgré sa bonne volonté, son intelligence, nous mette là sur la piste de notre pauvre darling. Qui sait, peut-être ?» répondit l'adorable femme rousse, qui gardait même devant l'impossible le suprême espoir de la maman. « Oui, je le souhaite. Je l'espère aussi fortement que vous, mais je crains que Pip, aujourd'hui, ne nous conduise qu'à l'une de ces cachettes où il a enfui quelque objet appartenant à darling. Allons voir tout de même. » Paulin Broca et Miss Eden suivirent donc le japonais et le cow-boy courant derrière le chien caraïbe et descendirent au jardin qui, nous le savons, entourait le bungalow blanc. Tout à coup, dans un coin, sous une touffe de jeunes bambous aux feuilles d'argent, Pip s'était mis à gratter éperdument, répétant son grognement plaintif. Ayamaki et Pagnose suivaient attentivement ce travail, tout en encourageant le brave animal. Quand Miss Eden et Paulin Broca arrivèrent, Pip semblait être au terme de son entreprise car maintenant il ne jappait plus, mais il aboyait joyeusement pour faire entendre qu'il réussissait, qu'il touchait au but. En effet, quelques coups de patte encore et Pip, triomphalement, mettait au jour un énorme os de gigot. Mais cet os était enveloppé dans un bout de chiffon d'étoffe. Miss Eden reconnut ce chiffon. C'était un morceau d'une vieille robe de darling dont la fillette se servait pour jouer, habiller ses poupées, boire ses sous, robe qu'elle taillait, découpait, gâché comme il lui plaisait. Il est probable, dit Paulin Broca, qui devant cette découverte de Pip n'éprouva pas la désillusion du japonais et du cow-boy, il est probable que Darling aura enveloppé cet os dans un bout de chiffon pour jouer avec Pip, et que Pip aura caché comme toujours son os. Maintenant, on lui demande de retrouver Darling, il nous conduit le brave animal devant quelque chose qui appartenait à Darling, et qui, sur lui, bon chien, a produit la plus forte impression. Un os enveloppé dans un bout de robe de Darling. Mais Pagnose, lui, ne se trouvait pas satisfait. Il prit son chien par le collier, lui mit le museau bien en face de sa figure et les yeux dans les yeux, lui parla comme un homme, longuement, sérieusement. « Ce qu'on vous demande, Master Pip, nous montrer vos cachettes, vous comprenez, mais de nous aider à retrouver Darling, Darling. » Pagnose répéta, « Darling, Darling. » Et le chien qui avait pendant ce discours cessé de battre l'air de sa queue, qui dressait les oreilles, eut dans les yeux un éclair. Il répondit par un aboiement. « Voilà, » dit Pagnose sérieusement. « Pip me dit qu'il a compris. » Paulin Broca suivait attentivement cette scène, dont aucun détail ne lui échappait. Il saisit le jeu de physionomie du chien, car pour qui sait y voir clair, qui peut comprendre autre chose que les paroles, les animaux ont leur jeu de physionomie, il dit à Miss Eden, « Maintenant, je crois que Pip pourra nous être de quelque utilité. Il a compris. Il sait ce que nous attendons de lui. » Il s'approcha du chien, lui donna une bonne caresse, lui disant, comme il faisait autrefois ses fidèles seconds, « C'est bien, va, mon garçon. » Pip, certainement fier de sa mission de confiance, s'en alla, trottant, nez à terre, en quête. Tout le monde le suivait. Comme il arrivait près du bungalow blanc, à quelque distance cependant encore de la grille d'entrée donnant sur la route, soudain, Pip s'arrêta, grogna, et se mit à tourner en cercle, fouettant maintenant très fortement l'air de sa queue. On s'approcha, on regarda, mais on n'aperçut rien. Le chien cependant insistait, ayant l'air de se fâcher contre ces hommes qui ne comprenaient pas ce qu'un bon chien leur donnait à entendre. Pagnose se baissa, chercha à terre. Il ne vit rien, rien dans l'herbe de la pelouse, rien sur le gravier du chemin. Apporte, dit alors Paulin Broca, apporte, donne. Pip cessa de tourner. Il alla droit à une sorte de petite motte de terre enrobée dans du gravier et fortement il aboya devant, la poussant du nez et de la patte. Paulin Broca ramassa la motte de terre. « Voilà, dit-il, une partie de la cause du silence qu'observa hier soir le bon Pip. » Il montra à Miss Eden, à Ayamaki, à Pagnose, rayonnant de l'intelligence de son chien, ce qu'était en réalité cette motte de terre. C'est tout bonnement un morceau de viande. On l'a roulé dans un peu de sable, de terre, pour qu'on ne pût l'apercevoir, mais un chien devait forcément le découvrir. La viande est en outre enduite d'une substance, fort connue de tous les éleveurs et des voleurs de chiens, qui répand une senteur à laquelle aucun chien ne peut résister. Ayamaki examina le morceau de viande, le flaira. « Oui, dit-il, je connais ça, c'est exact. Au cirque, quand un chien sent cette odeur, il passe au travers des flammes, dans le cercle des couteaux, sans la moindre hésitation. « Mais comment, demanda Pagnose, a-t-on pu déposer cet appât ici ?»« On ne l'a pas déposé, mon bon Pagnose, répondit Paulin Broquet. « On l'a envoyé par-dessus le mur, au moyen d'une fronde, d'un lance-pierre en caoutchouc. On a dû en lancer plusieurs, puis on a trouvé un aile à manger. » Comme cette viande contenait certainement un soporifique, il a dormi cette nuit pendant l'enlèvement. Ayamaki avait pris le morceau de viande et attentivement il l'examinait, la coupait en petits fragments. « Maître, dit-il au bout d'un assez long moment, voilà. » Il montra, la tenant entre le pouce et l'index, une boulette. « Voilà le narcotique. » Et il ajouta, « Ça vient des Chinois. »« Des Chinois ? » fit-on anxieusement. « Oui, maître, des Chinois. Je reconnais le produit. » La fabrication, le tour de main, c'est une boulette de sommeil. Quand il eut achevé sa déclaration, Ayamaki échangea avec Paulin Broquet un coup d'œil rapide. Et dans ce coup d'œil, passèrent toute l'angoisse, toutes les craintes. Les Chinois, cela voulait dire la Chinatown. Et la Chinatown signifiait le couloir de l'oubli. Le couloir de l'oubli était peut-être cet épouvantable tombeau vivant. Le vivier des Murènes.